إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous en sommes donc au cours numéro 34. Et qui est donc le dernier cours des explications du hadith numéro 2 des 40 Nawawiyah. Ce hadith concernant Maratib al-Din, l'islam, donc les étapes dans l'islam, c'est-à-dire l'islam, la foi et l'excellence. L'islam, la foi et l'excellence. Et nous avons passé donc énormément de cours uniquement concernant ce deuxième hadith des 40 Nawawiyah, à partir du cours numéro 7, donc jusqu'au cours numéro 34. Donc cela concerne uniquement les explications du hadith 2. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous avons pu détailler, Inch'Allah, donc tous les points concernant l'islam, la foi, l'excellence, les piliers de l'islam, les piliers de la foi. Également, nous avons pu mentionner sur les ablutions, sur le comportement de l'étudiant en sciences. Donc nous allons, Inch'Allah, terminer donc les explications de ce hadith aujourd'hui, bi'idhnillah. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, donc continue concernant ce hadith. « Qala, akhbirni » An amaratiha. Donc ici, c'est lorsque Jibril alayhi salam donc pose les questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous en sommes arrivés au point où Jibril alayhi salam donc pose la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant fais-moi connaître l'heure. D'accord? L'arrivée de l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, sur l'heure du jugement, l'interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Donc l'arrivée de l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu la semaine passée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sait pas. Ni Jibril ne le sait, alayhi wa sallam. Seul Allah azza wa jal connaît quand l'heure arrivera et quand sera le jour du jugement. Et donc, nous en sommes à ce point-là où Jibril alayhi salam, étant donné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, ni le prophète sallallahu alayhi salam, ni Jibril alayhi salam, donc ne connaissent quand sera l'heure, alors Jibril alayhi salam lui posa la question, fais-moi connaître l'heure du jugement dernier. Sur l'heure du jugement, le prophète sallallahu alayhi salam répondit, l'interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, Jibril alayhi salam lui dit, mais fais-moi connaître les signes précurseurs. Donc les signes précurseurs. Et sur ce point-là, donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, mentionne Ay alamatiha. Donc c'est-à-dire ces signes. Al-alamat allati tadullu ala qurbi qiyam as-sa'a mawjouda. Il dit les signes qui prouvent l'approche de l'arrivée de l'heure, eh bien, sont présents. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut a dit dans Sourate Muhammad, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاتُهَا. Dans la traduction du sens du verset 18 de Sourate Muhammad, qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Ay, alamatuha, c'est-à-dire les signes de l'heure, quand est-ce que yani, qui sont déjà venus. الأشراط يعني العلامات قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. Puis il mentionne ici un deuxième verset sur ce point-là de sourate al-Baqara dans la traduction du sens du verset 210. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé, et c'est à Allah que toute chose est ramenée. وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. L'heure de l'arrivée, yani de l'heure, c'est-à-dire quand est-ce que va arriver l'heure, seul Allah le Très-Haut connaît cela. أما العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة فهي كثيرة ومعلومة. Il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan, Allah, il dit, donc on sait que seul l'heure, seul Allah Azza wa Jal sait quand arrivera l'heure. Il n'y a qu'Allah Azzawajal qui sait cela. Cependant, les signes précurseurs qui prouvent de l'approche de l'arrivée de l'heure, eh bien, elles sont nombreuses et connues. Minha ma huwa kabir wa minha ma huwa sagir. Il y a des signes qui sont énormes et d'autres qui sont. Il y a des grands signes et des signes qui sont mineurs. Wa minha mutawassit et des signes qui sont moyens. Wa qad hadatha al-kathir minha. Et il y a de nombreux signes qui se sont déjà déroulés. وَبَقِيَ الْعَلَمَاتِ الْكِبَارِ. Et il reste les signes majeurs. Donc, وَقَدْ أَلَّفَ الْعُلَمَاءُ مُؤَلَّفَاتٍ كَثِيرَةً فِي ذِكْرِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ. Et les savants ont écrit beaucoup d'ouvrages concernant donc les signes de l'heure. Voilà, wa alamat qiyam as-sa'a, et les signes de l'arrivée de l'heure. Wa hadha ilmun yudraku min an-nusus wal adilla. Alors comment le cheikh ici Salah Al-Fawzan hafidhahullah, il mentionne que cette connaissance des signes précurseurs de l'arrivée de l'heure, eh bien, on ne l'apprend que des textes et des preuves, des textes légiférés et des preuves. D'accord ? Qala akhbirni an amaratiha. Donc, il reprend ici ce qui est mentionné donc dans le hadith de Jibril alayhi salam, lorsque Jibril alayhi salam dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais fais-moi connaître les signes précurseurs. فلما كان السؤال عن علاماتها جائزا اجابه صلى الله عليه وسلم. Lorsque, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas pu répondre à la question précédente concernant quand arrivera l'heure, parce que il n'en a pas connaissance, seul Allah عز وجل en a connaissance. Cependant, ici, concernant les signes précurseurs, la question sur les signes précurseurs, eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a la réponse. فَذَكَرَ عَلَامَتَيْنِ. Il a mentionné deux signes précurseurs. قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَّةُ رَبَّتَهَا. هَذِهِ وَاحِدَ. Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Donc ça fait un. Et ensuite il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan hafidhahullah, وَمَعْنَا تَلِدَ الْأَمَّةُ رَبَّتَهَا أَيْ سَيِّدَتَهَا. C'est-à-dire que Yani, c'est comme dans la traduction du sens, là, ici. C'est lorsque, là, ici, la servante engendrera sa maîtresse. Takoun al-ummu masoudatan wal-bintu sayyidatan laha. Ici, ça veut dire que c'est la mère qui devient une servante et c'est la fille qui devient donc la maîtresse. D'accord ? C'est-à-dire, comme on dit, le maître. Le maître, par exemple, d'une ferme, d'accord ? Puis, il a, voilà. Eh bien, ici, c'est le signe précurseur, c'est que, donc, la fille, elle devient Ce n'est plus là la mère qui est la maîtresse, mais les rôles sont inversés. C'est la fille qu'il devient, elle, qui va commander, qui va, hein? Et la mère qui va être une servante. La fille devient la maîtresse et la mère la servante. Il dit le cheikh, cela fait partie des choses extravagantes, extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Que la fille devienne donc hein, la maîtresse de sa mère. C'est-à-dire c'est elle qui va diriger sa mère, qui va commander sa mère. Donc, comment que signifie cela? ذكروا معنيين. المعنى الأول أن معناه أنه يكثر التسري في آخر الزمان. ولا شك أن بنت الأمة تكون حرة تبعا لأبيها، فالبنت حرة والأم أمة، فتكون البنت سيدة لأمها. Donc en fait, il dit ici, il y a deux significations. La première signification, c'est que, eh bien, la fille, elle devient libre, contrairement à sa mère, d'accord, qui sert son mari, la mère qui sert, donc la mère qui sert son mari. Tandis que leur fille, eh bien, elle est libre, contrairement à la mère qui sert son mari, d'accord? Et donc, c'est une des explications que elle devient donc la fille, hein, la maîtresse, d'accord, comparée à sa mère. المعنى الثاني أن المراد بذلك والله أعلم أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى كأن البنت تكون سيدة لأمها بأن تتكبر عليها وتعقها وتعصيها. Il dit le deuxième sens, et Allah est le plus savant, c'est que vers la fin des temps, les liens de parenté qui seront coupés seront nombreux. Il y aura vers la fin des temps une augmentation, hein, des gens qui rompent leurs liens de parenté. Jusqu'à donc ce que la fille devienne la maîtresse de sa mère, dans le sens où elle devient arrogante vis-à-vis de sa mère, et qu'elle rompt les liens de parenté avec sa mère, et qu'elle désobéit à sa mère. Le deuxième signe, ثانية قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. C'est-à-dire que lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les pâtres, se faire élever des constructions de plus en plus hautes. Se faire élever des constructions de plus en plus hautes. يعني البادية. Là, c'est pour concernant là, d'accord, les bédouins, yani. هذه صفات البادية. Donc ça, ce sont les attributs, donc, yani des bédouins. حفاة أقدامهم. Ils sont nu-pieds. عراة أجسامهم بمعنى أنهم يلبسون ثيابا تكون متواضعة أو ثيابا لا تستر جميع أبدانهم بسبب الفقر أو عدم العناية بالملابس كما هو ظاهر على الأعراب ليس معنى التعري ولكن معناه أنهم لا يلبسون ثيابا جميلة. Donc il dit ici, le Cheikh Salah Fawzi Hafidhullah. Donc ça, ce sont les attributs donc des bédouins. Les attributs des bédouins qui sont nu-pieds, qui ont une partie de leur corps qui est dénudée, dans le sens, il dit, dans le sens qu'ils portent des vêtements qui sont modestes, ou bien des vêtements qui ne couvrent pas la totalité de leur corps, de par leur pauvreté, parce qu'ils n'ont, ils n'ont pas... Yani, ils sont pauvres, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir avoir des vêtements et se couvrir, yani, totalement. Ou bien, c'est par le fait qu'ils ne donnent pas d'importance donc dans les vêtements, d'accord? Comme cela est apparent chez les bédouins. Mais ça ne veut pas dire que, yani, ils se mettent nus, d'accord? Mais, ce qui veut dire, c'est qu'ils ne portent pas de beaux vêtements. Il ne porte pas de beaux vêtements. وَثِيَابًا فَاخِرَةً. Et il ne porte pas des vêtements qui sont يعني, d'arrogance, d'accord? Il ne porte pas de beaux vêtements, il ne porte pas des vêtements d'arrogance. إِنَّمَا يَلْبَسُونَ ثِيَابًا مُتَبَذَّلًا. Il porte des vêtements يعني, comme ça, يعني, de, sans y prêter attention. Sans y prêter attention. أو ثِيَابًا قَصِيرًا, ou bien des vêtements qui sont courts. أو على غير الثياب المعروفة التي تجمل الإنسان. Ou il porte des vêtements autres que ceux qui sont connus, qui rendent beau l'individu. قوله رعاء الشاء. Les miséreux, les pâtres. هذا عملهم أنهم رعاء يرعون الشاء والإبل. D'accord ? Parce que les pâtres, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils ont des troupeaux. D'accord ? Ils ont des troupeaux. D'accord ? Ça ? Yani, c'est ce qu'ils font comme travail, d'accord? Ils ont des troupeaux de chameaux, ils ont des troupeaux, d'accord? Et ils travaillent avec ça. وهذه طبيعة البادية يعيشون على تربية المواشي هذه تجارتهم ومعيشتهم ويعيشون في البراري وفي آخر الزمان يتحضرون ويسكنون الحاضرة ويبنون. Donc il dit, eh bien ça, c'est le travail des bédouins. D'accord ? Caractéristique des bédouins, eh bien, leur travail, c'est yani, d'élever les troupeaux de chameaux. D'accord ? Et ça, c'est leur travail. Ils font du business avec cela. D'accord ? Et vers la fin des temps, ils vont entrer dans la modernité, d'accord ? Dans le sens où ils vont se mettre à construire, parce qu'ils sont connus les bédouins pour vivre dans des tentes, d'accord ? Et là, ils vont se mettre à construire des constructions, des bâtiments, d'accord ? Pour y vivre à l'intérieur, d'accord ? كانوا بالأول يسكنون في الخيام وفي بيوت الشعر. Donc, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Bien, ils habitaient donc dans les tentes. Ils habitaient dans des tentes et dans des constructions, qui sont faites. Yani, de façon très modeste, d'accord ? Ce n'est pas les constructions actuelles avec les grandes fondations, d'accord ? وفي آخر الزمان يتطاولون في المباني. Et vers la fin des temps, eh bien, ils vont se concurrencer concernant la hauteur des bâtiments qu'ils construisent. يبنون ويتفاخرون في المباني. Donc, ils construisent, ils bâtissent, et yani, ils sont fiers de... Chacun est fier de ce qu'il a bâti. وربما يبني الطوابق الكثيرة العالية وينمقها ويزينها ويحسنها وهو كان في الأصل يسكن في بيت شعر أو خيمة أو ما أشبه ذلك. فتحول حالهم. هذا من علامات الساعة يتطاولون في البنيان. كما هو واقع الآن. مصدقاً لقوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, le cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, et donc ils vont se concurrencer dans la construction de fondations de bâtiments qui auront donc des hauteurs. Ils vont se concurrencer dans la hauteur de leur construction. Et peut-être qu'ils vont construire de nombreux étages très hauts, d'accord ? Et qu'ils vont embellir et les rendre yani très bon, alors qu'à l'origine ils habitaient dans des endroits comme les tentes et yani dans des endroits comme les tentes et donc leur état a donc changé. هذا, donc cela, من علامات الساعة يتطاولون في البنيان, cela fait partie des signes de la fin des temps, donc ils vont se concurrencer, donc se faire élever des constructions de plus en plus hautes. De plus en plus hautes. Les pâtres se faire élever des constructions de plus en plus hautes. C'est-à-dire ceux qui vivaient dans des tentes et qui avaient comme travail yani, d'élever et d'avoir des troupeaux de chameaux, de moutons, etc. Eh bien, eux, ils vont se mettre à construire donc des bâtiments et se concurrencer dans la hauteur des bâtiments. D'accord, avec plusieurs étages en les embellissant, alors qu'avant ils vivaient dans des tentes et dans ce genre d'endroit. Donc ça fait partie donc des signes de la fin des temps. Et cela, eh bien, cela est, yani, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà mentionné que cela allait arriver. Et cela on le voit de nos jours. Et cela on le voit de nos jours. فَإِنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ سَكَنُوا الْمُدُنَ وَصَارُوا يَتَبَاهَوْنَ فِي الْمَبَانِي. Il dit, les Bédouins deviennent aujourd'hui, se mettent à habiter les villes, alors qu'avant ils n'habitaient pas les villes, d'accord? Et maintenant ils se mettent à habiter les villes et à faire des constructions, se concurrencer dans cela. كُلُّ وَاحِدْ يُرِيدْ أَنْ يَكُونْ أَحْسَنْ مِنَ الْآخِرْ فِي بِنَايَتِهِ. Et là, ils se concurrencent entre eux. Chacun veut être le meilleur dans la construction. Yani, la construction qu'il fait. Et même dans l'apparence qu'il donne à sa construction. Ils sont en train de se concurrencer dans cela. Et même dans l'élévation de cette construction. Chacun, il veut que sa construction soit la plus haute que l'autre. فَهَذَا مِنْ عَلَمَاتِ وَمِنْ مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن شيء وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. Donc, et cela fait partie donc des miracles du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, que il a mentionné que cela allait arriver et c'est arrivé et cela arrive de nos jours, d'accord? Et le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a mentionné que ce signe-là allait arriver. Un des signes, donc, de la fin des temps. قَالَ ثُمَّ انْتَلَقَ. Puis lorsqu'on continue la lecture du hadith de Jibril, le hadith 2 de l'Arba'in Nawawiya, là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là longtemps, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, oh Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je, Allah et son envoyé en cette matière sont plus savants. Cet homme-là était l'archange Gabriel. Il vient de la sorte à vous pour vous enseigner votre religion. Ce hadith-là est rapporté par un musulman dans son sahih. Donc il dit, le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, concernant donc cette dernière partie. قَالَ ثُمَّ انْتَلَقَ أَيْ قَامَ السَّائِلُ وَخَرَجَ فَخَرَجَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ فِي آثَرِهِ فَلَمْ يَجِدُوهُ. وهذه عجيبة لأنه كان بينهم ويسأل ويتكلم وفي لحظة اختفى عنهم. Donc il dit ici, le cheikh ici, concernant ثم انطلق, puis l'homme parti, d'accord, là-dessus l'homme parti, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu sur les signes précurseurs de l'arrivée de l'heure, donc il partit. Donc c'est-à-dire que le questionneur donc se leva et sortit. Et certains des compagnons donc sortit pour le suivre, mais ils ne l'ont pas trouvé. Et cela, Yanni, est surprenant, car il était parmi eux. Et il posait des questions, et il parlait, et en un instant, il n'était plus là. Yanni, il a disparu. قال أتدرون من السائل؟ قال والله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, savez-vous qui m'a interrogé? Ils répondirent, Allah et son envoyé sont plus savants. Alors il dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Qui est venu vous enseigner votre religion. Donc ensuite il dit, le cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah, هذا فيه دليل على أن الملك لا يأتي في صورته الملكية. Cela est une preuve que l'ange ne vient pas sous son image d'ange. D'accord. لأن الناس لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية. Car les gens ne pourront pas supporter ou ne pourront pas donc supporter donc de voir l'ange sous sa vraie forme d'ange, d'accord. Wa innama ya'ti fi surati insan hatta la yanfur an-nas minhu. Mais il vient sous une image donc d'un homme afin que les gens ne fuient pas de lui, parce que s'ils voient quelque chose que ils n'ont jamais vu, qu'ils ne peuvent pas s'imaginer, ils risquent de fuir par peur. Et ce n'est pas le but, puisqu'il est venu leur enseigner la religion en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela qu'il dit, cela est une preuve que les anges, donc l'ange ne vient pas donc sous sa forme d'ange, car les gens risqueraient de ne pas supporter donc sa vision, de le fait de le voir comme cela, sur son image d'ange, mais il vient donc sous une image donc d'homme, jusqu'à ce que les gens ne fuient pas de lui. وغالبا ما يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل وعنده أصحابه. Et très souvent, donc Jibril vient, alayhi salam, sous donc une forme d'homme, d'accord, lorsque les sahaba viennent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les sahaba sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كسائر السائلين والطلاب لا يتميز عنهم لأجل أن لا ينفروا. Donc il vient en fait sous cette forme-là, donc comme tous ceux qui sont avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, afin de ne pas faire fuir qui que ce soit. وفي هذا دليل على أن الملائكة تتشكل بأشكال حسب المصلحة. Et cela est également une preuve que les anges prennent une forme, donc en fonction de ce qui peut être bénéfique. وقد أعطاهم الله القدرة على ذلك. Et Allah Azza wa Jalla leur a donné la, yani, la possibilité de prendre ces formes-là. D'accord, Allah, c'est Allah Azza wa Jalla qui leur a donné cette possibilité-là. لأجل مصلحة البشر. Pour le bienfait donc de, yani, des gens, de l'humanité. والناس لا يرون الملائكة إلا عند العذاب. Et les gens ne voient pas les anges. Et les gens ne voient pas les anges excepté lors du châtiment. والعياذ بالله. Et qu'Allah nous en préserve. وكذلك عند الموت. Et également lors de la mort. تظهر الملائكة ويراهم المحتضرون. قال تعالى. Donc lors du châtiment, donc les gens ne voient les anges que lors d'un châtiment, qu'Allah nous en préserve, d'accord, mais également lors de la mort. Donc l'ange apparaît donc à celui qui meurt. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut a dit, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَ لَا بُشْرَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ. Donc dans la traduction du sens du verset 22 de Sourate Al-Furqan, le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle ce jour-là pour les criminels. أما قبل ذلك فالناس يرونهم في صور لا تختلف عن صور الناس. Mais avant donc ce qui a été mentionné, donc lors des châtiments ou lors de la mort, eh bien les gens donc voient les gens sous la forme donc d'humains. Lorsque Jibril alayhi salam donc venez voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y avait les sahaba. Wafik al-baraka, akhi. Lakin limadha ja'a Jibril? Mais pourquoi, le Cheikh Salih al-Fawzan ensuite dit, mais pourquoi donc Jibril est venu? Wa limadha jalasa? Et pourquoi il s'est assis? Al-jawab ala lisan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La réponse est sur la langue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il aura dit pourquoi il est venu et pourquoi il s'est assis. فَهُوَ لَا يَسْأَلُ لِيَتَعَلَّمْ. Donc lui, Jibril alayhi salam, n'est pas venu pour apprendre. Il n'est pas venu pour apprendre, Jibril alayhi salam. D'accord ? وَإِنَّمَا يَسْأَلُ لِيُعَلَّمَ. Mais il est venu questionner afin d'enseigner. D'accord ? فهذا فيه دليل على أن السؤال والجواب من طرق التعليم. Et cela est une preuve que le questionnement et les réponses est fait partie donc des manières d'enseigner. بل من أبلغ طرق التعليم, mais des meilleures façons d'enseigner. أن يكون على عن طريق السؤال والجواب, que ce soit dans les questionnements et les réponses. وهي طريقة تربوية جيدة معروفة. Et donc c'est une manière donc pour éduquer, يعني c'est une bonne manière donc d'éduquer et d'enseigner. قوله يعلمكم دينكم. يعلمكم دينكم. Donc il est venu vous enseigner votre religion. فيه دليل على أن الدين يؤخذ بالتعلم. Ici, le Cheikh Salah Al-Fawzan dit, dans cela, le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, que, eh bien, Jibril est venu à vous pour vous enseigner votre religion, il dit, eh bien, cela est une preuve que la religion se prend de l'enseignement. لا يؤخذ من العادات, mais on ne le prend pas des habitudes. والتقاليد والبدع والمحدثات, on ne le prend pas des habitudes, on ne le prend pas des traditions, on ne le prend pas des innovations religieuses, et on ne le prend pas de tout ce qui est inventé nouvellement dans la religion d'Allah, le Très-Haut. Mais la religion se prend par l'enseignement. وفيه دليل على أن الدين يتكون من ثلاث مراتب. Il y a une preuve que la religion est composée de trois niveaux. بعضها أفضل من بعض. L'une meilleure que l'autre. المرتبة الأولى. Le premier niveau. الإسلام وأركانه خمسة. L'islam et ses cinq piliers. Ça c'est le premier niveau. المرتبة الثانية فوقها. Le deuxième niveau qui est au-dessus du premier. الإيمان وأركانه ستة. La foi et ses six piliers. المرتبة الثالثة وهي أعلاها. Le troisième niveau qui est le plus haut. الإحسان وهو ركن واحد. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et le troisième niveau qui est au-dessus, qui est le plus haut niveau, c'est l'ihsan, l'excellence, qui est un seul pilier. Donc l'islam, premier niveau, qui a cinq piliers. Au-dessus, le deuxième niveau, c'est la foi avec ses six piliers. Et au-dessus, le troisième niveau, qui est l'ihsan, l'excellence, qui a un seul pilier, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Même si tu ne le vois pas, eh bien, sache que lui, il te voit. Ça, c'est le plus haut niveau, qui a un seul pilier. وفي هذا الحث على تعلم الدين. Et dans cela, dans ce hadith-là, il y a donc un encouragement donc à s'éduquer dans la religion. وأن المسلم يجب عليه أن يتعلم دينه. Et que le musulman, il lui incombe et il est obligatoire pour lui, eh bien, de s'éduquer dans sa religion. La yaktafi an yaqul ana muslim. Ce n'est pas suffisant qu'il dise je suis musulman. La budda an yata'allam ma huwa al-islam min ajli an yuaddihi 'ala al-wajh al-matloub. Mais il est important, il est obligatoire qu'il s'éduque dans sa religion afin de savoir ce qu'est l'islam et de le pratiquer de la manière qui est voulue. فلا يكفي أن ينتسب الإنسان إلى الإسلام وهو لا يعرف عنه شيئا. Donc ce n'est pas suffisant que l'individu s'affilie à l'islam alors qu'il ne sait rien de l'islam. ولو سئل عن الإسلام لقال أنا مسلم ولكن لا أدري ما هو الإسلام. Et s'il est questionné sur l'islam, il répondra, eh bien je suis musulman mais je ne sais pas ce qu'est l'islam. وهذا من العجائب. Et cela c'est ce qui est surprenant. كيف يكون مسلما وهو لا يدري ما هو الإسلام. Comment donc peut-il être musulman alors qu'il ne sait pas ce qu'est l'islam. هذه مشكلة. Cela est un problème. فقد يقع في شيء يخالف الإسلام وهو لا يدري. Il se peut qu'il tombe dans quelque chose qui oppose l'islam sans que lui-même le sache, car il ne sait pas ce qu'est l'islam. أو يترك شيئا يخل بالإسلام وهو لا يدري. Et il se peut qu'il délaisse quelque chose qui l'exclut de l'islam sans qu'il ne sache. أو يفعل شيئا يتنافى مع الإسلام وهو لا يدري. Et il se peut qu'il se mette à faire une chose qui يعني, annule l'islam sans qu'il ne s'en rende compte, sans qu'il ne le sache. لأنه لم يتعلم الإسلام. Car il ne s'est pas éduqué dans l'islam. فهذا فيه دليل على وجوب تعلم الدين بمراتبه الإسلام والإيمان والإحسان. Enfin, le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafizahullah, il dit, donc, dans ce hadith-là, en fait, il y a donc une preuve sur l'obligation de s'éduquer dans la religion avec ses niveaux, c'est-à-dire en comprenant ces niveaux que sont l'islam, l'iman, l'islam, la foi et l'ihsan qui est l'excellence. Barakallahu fikum. On a, alhamdoulilah, terminé les explications du hadith numéro 2 des Arba'in al-Nawawiyya. Et nous allons, inshallah, donc commencer la semaine prochaine, bi-idhnillah, les explications du hadith 3 des Arba'in al-Nawawiyya. Barakallahu fikum pour votre patience. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.